Un plaisir que tu sois avec nous, René, ce matin. Ça a bien été ton voyage, c'était pas trop difficile. 40 quelques minutes. Oui, et il n'y a pas encore de la neige chez vous, là. Vous restez en campagne, là, vous autres, là, hein? Oui. En réalité, j'ai parti mon skidoo hier, juste pour voir que ça fonctionnait, là. Mais le skidoo, on l'a acheté à Shefferville, quand on était dans, okay, justement parmi les Autochtones dans le Grand Nord. C'est bien. Et bon, c'est à Shefferville, il y a plus de skidoo dans les rues que des camions, parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas beaucoup de chemin. On a ramené ça. Ah, oh, je suis tellement content d'être... d'être parmi vous ce matin. J'ai tellement de bons souvenirs, finalement, de l'église locale de Victoriaville, parce que c'est l'église locale qui m'a accueilli. C'est l'église locale qui, lorsque je me suis converti, m'a entouré. En fait, avec laquelle j'ai fait les premiers pas de vie chrétienne. Et ça me rappelle une chanson qui existait quand je suis arrivé ici. Peut-être que... même pas si Benoît s'en rappelle, là. Je réalisais que j'étais un petit peu plus vieux que lui encore. On n'oublie pas son premier amour, malgré les temps et les années. Connaissez-vous? Il fit pour nous le bonheur du jour et on ne peut l'oublier. En tout cas, c'est une vieille chanson que quand... nos chanteurs là-bas... J'ai cherché ça sur Lyric cette semaine pour voir, puis rien n'est sorti chez un auteur. Mais on n'oublie pas son premier amour. On n'oublie pas la première endroit où on était, parce que c'est là qu'on a goûté à Dieu vraiment pour la première fois. Mais bien que j'ai beaucoup de bons souvenirs de l'église de Victoriaville, j'ai peu de connaissances directes de l'église, puisque quand je suis converti, j'étais à l'Université Laval, et puis c'était le dimanche matin qu'on venait ici, tout le monde était souriant, tout était beau, puis on repartait pour l'école, puis après la troisième année d'université, j'ai passé l'été ici à servir à l'église locale. Puis le Seigneur nous a appelés en Ontario. Puis j'ai pas eu de connaissances directes, parce que c'est plutôt à Québec que j'ai grandi, que j'ai servi, que nous avons élevé notre famille. Et présentement, nous sommes membres à Chauveau. On est toujours quand on vient, voir maman. On est en visite, mais on n'est pas particulièrement engagé dans le ministère à Victoriaville. On a peu de connaissances directes. On regarde à distance l'église de Victoriaville. Et pour moi, à distance, l'église de Victoriaville me semble une église modèle. Et il faut que je tourne ça ici. Tiens, une église modèle. L'église, ce matin, j'aimerais qu'on parle de l'église de Thessalonique, puis se l'appliquer à nous. L'église de Thessalonique aussi était vue par Paul comme une église modèle. C'était une église de première génération. C'était une église où il y avait eu nombre de conversions et beaucoup de persécutions. C'est une église que Paul a fondée dans son deuxième voyage missionnaire. Et il est parti d'Antioche et puis il a visité les églises qui avaient touché d'abord dans son premier voyage. Et le texte nous dit que plus qu'il s'en venait ici, là, les églises de la Galatie, et là, il a voulu aller en Asie. Il a voulu avancer, mais ça n'a pas marché, il a été empêché. Fait que, il a décidé d'aller au nord, puis il voulait se rendre en Bithynie, puis ça n'a pas marché non plus. Fait que là, finalement, il n'avait pas grand choix, il était jusqu'à Troas. Puis à Troas, il a eu une vision, un Macédonien qui dit, « Saute en Europe, viens de notre bord, sauve-nous. On a besoin. » Et là, de cette vision-là, il a compris qu'il devait aller en l'Asie ici, puis là, ça se divise ici, ça devient l'Europe. Il a décidé d'aller en Europe, et là, il était à Philippe. Philippe, il a rencontré des dames qui priaient, puis Lydie, entre autres, qui s'est convertie, puis il a eu de la misère à Philippe. Il s'est ramassé en prison, vous savez, il y a un geôlier qui était là. Mais finalement, ils ont parti de Philippe, puis ils ont été jusqu'à Thessalonique. Thessalonique sont entrés dans une synagogue. Trois sabbats, ils ont prêché Jésus. Et la Bible dit que beaucoup se sont convertis, beaucoup de non-juifs se sont convertis, des femmes de distinction en grand nombre se sont converties, plusieurs juifs se sont convertis. Mais la majorité des juifs de la synagogue, ils ont commencé à mettre des annonces dans le journal pour dire que ce n'était pas correct, puis ils ont suscité la chicane. Finalement, Paul est obligé de se sauver de là. Ramassé en prison à Philippe, il sauve de Thessalonique. Ils vont un peu plus loin à Béré. Ces gens-là sont plus smart, ça a l'air. Ils regardent dans les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur a enseigné était vrai. Et puis, les Juifs de Thessalonique courent après Paul jusqu'en Béré. Fait qu'il est obligé de se sauver encore. Il s'en va jusqu'à Athènes. À Athènes, il s'inquiète. Il s'inquiète de cette église-là à Thessalonique. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Jeunes croyants, persécution. Il s'inquiète. Fait que finalement, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, nous dit qu'il envoie Timothée. Il envoie Timothée, puis il dit, va voir, va les encourager, puis va voir comment l'œuvre se passe à Thessalonique. Et Timothée revient avec la joie. Hey, l'église de Thessalonique est un modèle. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1. Et Paul écrit là-dedans une lettre qui va être pleine d'affection, pleine de joie dans le Seigneur, pour cette église-là. C'est une église aussi, que Paul va dire, qui a une grande influence dans la région qui l'entoure. Thessalonique, ici, la Grèce, dans ce temps-là, le bas, ça s'appelait l'Achaïe. On va avoir ce mot-là dans le 1 Thessaloniciens 1. Et puis en haut, pas tellement grand, mais en haut, on voit Macédoine. Alors, Macédoine, Achaïe, Grèce. Aujourd'hui, ben, ça s'appelle toute la Grèce, cette affaire-là. Là. Ça s'appelle l'Achaïe, la Grèce, puis la Macédoine. Mais là, présentement, aujourd'hui, c'est toute la Grèce. C'est toute la Grèce. Mais au moment où Paul inscrit, il va parler de Macédoine, il va parler d'Achaïe, puis Thessalonique est en Grèce, finalement. Est en Macédoine. Alors, c'est ça, Paul, dans 1 Thessaloniciens, il se rappelle à distance les débuts de l'Église. Et il a un désir de communiquer avec elle. Et il rend grâce à Dieu pour elle. Et je pense pour moi, aujourd'hui, 40 ans après ma conversion, à la lumière des Écritures, comme Paul va le faire dans 1 Thessalonique, bien, j'aimerais qu'on puisse ce matin réfléchir à pourquoi est-ce que Paul a appelé l'église de Thessalonique une église modèle? Quelles étaient ses caractéristiques? Qu'est-ce qui doit caractériser une église modèle? Et ce matin, c'est le bon temps de le faire, de s'évaluer, de célébrer et de s'évaluer parce que, comme Noël m'avait mentionné, on a la table du Seigneur. Et cette table du Seigneur-là est justement un moment où Dieu nous appelle à réfléchir, à évaluer notre foi, à travers ce mémorial perpétuel que Jésus nous a laissé. C'est le bon moment, ce matin, de se rappeler quelles sont les caractéristiques dans ma vie personnelle et dans la vie d'Église que Dieu m'invite à imiter pour que l'Église, comme les croyants, soit de bons modèles à la gloire de Dieu. Prions d'abord. Seigneur, ce matin, on veut s'approcher devant toi. Et le désir de mon cœur, c'est que ton nom soit glorifié. Qu'à travers les Écritures, nous puissions te voir. Nous puissions voir aussi qu'est-ce que tu t'attends de nous. Que Seigneur, par ton esprit, tu puisses sonder nos cœurs. Et Seigneur, afin que nous puissions être sensibles à ta voix et qu'on puisse partir d'ici ce matin avec la joie de connaître un Sauveur merveilleux et avec un désir ardent de servir. Nous te prions ces choses, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Lisons d'abord 1 Thessaloniciens, le premier chapitre. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Quel beau chapitre! Quelles étaient les caractéristiques donc d'une église modèle? Parce qu'il dit au verset 7, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. » Un modèle pour nous, à Victoriaville ce matin. Et la première chose en quoi l'église était un modèle, elle était un modèle par les vertus qui habitaient chaque croyant. Les Thessaloniciens étaient réputés pour trois vertus qu'ils cultivaient et qui étaient évidentes autour d'eux. Et on voit ça dans les versets 3 et 4, 3 en particulier. Il dit, « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. » Première caractéristique, première vertu qui était habitée, qui était visible parmi les croyants de Thessalonique, ils modelaient une foi qui était agissante. Ou comme le texte le traduit, « l'œuvre de votre foi ». Leur foi n'était pas passive, leur foi était à l'œuvre, elle était active, elle était agissante. Quand on parle de la foi, on ne parle pas simplement d'un assentiment intellectuel. La Bible dit dans Jacques, les démons croient. Tu crois que Dieu existe? C'est bon. Les démons aussi, est-ce que ça les sauve? Non, ils ont un assentiment intellectuel, oh oui, ça existe. Le fait de croire à l'existence de Dieu ou à l'existence de Jésus, ça ne sauve pas ça. C'est un départ, mais ce n'est pas ça qui sauve. La foi, c'est plus qu'un assentiment intellectuel. Mais c'est une confiance qui va engager toute ma vie. Croire à l'existence de Jésus ne sauve pas, mais croire en Jésus, parce que j'ai placé ma confiance en lui, ça, ça sauve. Et la Bible enseigne clairement pour nous évangéliques que la foi et les œuvres ne sont pas mutuellement exclusifs. On insiste beaucoup à cause de notre arrière-plan religieux que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et souvent, on va mettre ça en c'est pas la foi, mais les œuvres. Non, ce ne sont pas mutuellement exclusifs. Jacques va dire dans son épître, la deuxième, « Montre-moi ta foi à toi sans les œuvres. » Tu penses que cette foi-là va te sauver? Montre-la-moi sans les œuvres. Et moi, je vais te montrer la foi. Il n'a pas dit ma foi. Je vais te montrer la foi par mes œuvres. Mes œuvres vont être la manifestation de ma foi. Si quelqu'un dit, j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres, cette foi-là peut-elle le sauver? Non, c'est une foi morte. Parce qu'une vraie foi, c'est une foi qui se met à l'œuvre. Le salut est par la foi seule. Mais la vraie foi ne vient jamais seule. Elle se met à l'œuvre. Paul de dire dans Galates au chapitre 5, verset 6, « En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Une foi qui est à l'œuvre. Paul dit aux Thessaloniciens, « Vous êtes des modèles, parce que j'ai entendu de Timothée le travail de votre foi. Vous aviez une foi qui était agissante. » Un autre élément qu'il mentionne au verset 3, le travail de votre amour. Les Thessaloniciens modelaient un amour laborieux. Le travail de l'amour. Encore des mots qui nous semblent un peu Est-ce que c'est exclusif, ça? Quand on aime, c'est j'aime, est-ce que je travaille avec ça? Intéressant. Paul emploie le mot kopos. Et kopos, on le traduit régulièrement par labeur. Quelque chose qui est dur, qui est long, qui fait suer, qui m'amène au bout de mon rouleau. Kopos. C'est ça qu'il dit. Le kopos de votre amour, le travail de votre amour, il modelait un amour qui était laborieux. Lorsqu'ils avaient pour Dieu, l'amour qu'ils avaient pour Dieu se manifestait de façon pratique. Leur service d'amour pour le Seigneur se manifestait en monopolisant leur énergie. Un labeur qui nécessite tous leurs efforts ardus et même fatigants. L'amour, c'est plus qu'un sentiment. L'amour, c'est d'abord et avant tout une décision. Le papa ou la maman qui travaille fort pour rejoindre les deux bouts, pour prendre soin de sa famille, ça, c'est le travail de l'amour. Ils aiment leur famille. Et comment ils le font? Oh, je vous aime donc, mes petits-enfants. Non, ils travaillent fort. Le papa, la maman qui change les couches, qui donne les bains, qui fait du taxi, qui entraîne, qui reprend, qui conseille, qui modèle ses enfants. Oh, ils aiment. Des fois, ils sont choqués envers les enfants. Mais ça, c'est le travail de l'amour. Un amour qui ne lâche pas. Un amour qui travaille jusqu'au bout. Les personnes ici, il y en a qui aiment les enfants, puis ils disent, « Oh, j'aime tellement les enfants, moi je m'en vais les garder à la garderie aujourd'hui. » Et pendant que René y parle, on va en prendre soin. « Oh, j'aime tellement ça. » Je veux vous dire que c'est plus que « j'aime tellement ça. » Il y a le travail de l'amour. Je les aime et aussi j'aime investir pour eux parce que le vrai amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le travail de votre amour. L'amour donne, l'amour s'engage envers l'autre. J'aime bien il y a des campagnes de compassion pour la misère et les catastrophes dans le monde. Et j'aime bien un titre qui mentionne souvent, ça dit « Tears are not enough ». Ça fait pratiquer ton anglais, là, tu viens de Toronto, là. « Tears are not enough ». Les pleurs, ce n'est pas suffisant. Quand on voit la misère puis les catastrophes dans le monde, c'est pas juste de regarder la TV et de dire « Oh, c'est trop dommage, oh, c'est terrible, ta mère-là, qu'est-ce que… » Tears are not enough. Les pleurs, c'est passé. T'es touché, tends la main. Le travail de votre amour, les Thessaloniciens étaient reconnus pour le travail de leur amour. Les Thessaloniciens étaient aussi reconnus, il nous est mentionné, par la fermeté de leur espérance. Il modelait une espérance qui était persévérante. Et encore une fois, l'espérance, là, l'espérance du retour de Dieu, l'espérance des promesses de Dieu, ce n'est pas juste un vœu pieux. Ce n'est pas juste, « Oh, j'espère bien qu'un jour le Seigneur revienne. Si je fais ça, je ne bougerai pas beaucoup. Mais si j'ai l'assurance que le Seigneur revient bientôt, Maranatha, ça va transformer ma vie. » Ce n'est pas simplement un vœu pieux. Mais c'est une confiance qui demeure ferme, qui continue avec endurance, qui persévère comme on avait dans les Thessaloniciens, malgré les épreuves, malgré la persécution. Et cette espérance-là en Jésus, c'est celle qui parce que je l'attends, il va me faire vivre, il va me faire briller, il va me faire garder sa joie. Dans leur ferme espérance, ils étaient pleins de persécution, il dit, avec la joie du Seigneur, du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait cette espérance persévérante. Une espérance qui était solide et sûre. Une espérance qui est accrochée en Jésus. J'aime Hébreux chapitre 6, verset 19. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, solide et sûre. Elle pénètre au-delà du voile où Jésus est entré comme précurseur. L'espérance chrétienne, une ancre solide et sûre. On ne l'a pas montré, celle-là. Hein? La foi, l'amour, l'espérance. J'aime bien les breloques. Je ne connaissais pas ça avant. Les breloques que les dames portent, des fois des colliers. Et souvent, il y a une croix, un cœur, puis une ancre. Mais ce n'est pas juste pour ceux qui jouent à la loterie là, dans les machines à faire. Là. C'est vraiment trois symboles qui ont leur origine dans le christianisme. Les Thessaloniciens, ils étaient caractérisés par une foi qui était agissante, représentée par la croix. Ils avaient un amour qui était engagé, représenté par le cœur, bien entendu. Et ils avaient une espérance persévérante comme une ancre de l'âme, solide et sûre. Je ne savais pas les liens, mais maintenant j'aime ça. Et quand je vois une personne qui a ça au cou, qui a ça dans le bras, je dis, hey, t'as ça, c'est-tu à quoi ça réfère? Ça réfère à trois vertus fondamentales du croyant. Sa foi en Jésus-Christ, son amour engagé, et puis son espérance, solide et sûre comme une ancre, que son Sauveur revient bientôt pour le prendre, pour vivre avec lui éternellement. Les Thessaloniciens étaient une église modèle à cause des vertus que chaque croyant véhiculait. L'église aussi, nous est mentionnée de Thessaloniciens, était un modèle par l'évidence de leur élection. Il dit au verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » C'est quelque chose qui était évident pour eux. « Frère, Timothée est revenu, puis c'est certain, vous êtes élus. » Bizarre, souvent l'élection, c'est une doctrine qui a fait couler beaucoup d'encre et qui apporte souvent son lot de frustration puis de confrontation, l'élection. J'aimerais juste vous rappeler fondamentalement ce matin que l'élection, c'est quelque chose de la gestion de Dieu. Et que nous, en tant qu'humains, on doit se garder une petite gêne quand on essaye de définir, de décrire, d'être tellement précis de comment ça fonctionne, l'élection, parce que l'élection, ça appartient à Dieu. Puis quand nous, on décide de comment lui, il décide, il faudrait se garder une petite gêne. Puis laisser l'espace que peut-être je ne connais pas tout, puis je ne connais pas tout aussi bien que Dieu sur l'élection. Mais par exemple, si l'élection est la gestion de Dieu, nous, en tant qu'humains, on a l'évidence de le manifester. L'évidence que nous sommes élus, ça, ça appartient pas à Dieu, ça nous appartient à nous. C'est notre camp, c'est notre affaire. Et pour les Thessaloniciens, comme pour nous, notre élection, le fait que nous avons été choisis de Dieu, ça doit se manifester. Et encore une fois, ça se manifestait par trois éléments. Leur élection d'église. Intéressant, il met au pluriel, comme si Dieu avait élu une église cette fois-là. Mais en tout cas, je n'ai pas trop bousculé. Mais trois éléments, leur accueil de l'Évangile, leur proclamation de l'Évangile et leur témoignage clair de conversion. Et il nous dit d'abord que l'évidence de l'élection des Thessaloniciens était claire. Il dit parce que l'Évangile a été prêché et vous avez reçu la parole. Votre accueil de l'Évangile. L'évangélisation, c'est un travail conjoint du croyant et de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le pécheur de son besoin de salut, mais c'est aussi au pécheur de répondre à l'appel, de recevoir Jésus, de le recevoir comme sauveur personnel. J'ai été touché par Jean 1:12 avant de connaître le Seigneur Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il faut recevoir. Il y a le ministère de l'Esprit de Dieu, il y a le ministère du prédicateur, de celui qui proclame la foi, et il y a le ministère, la main tendue du pécheur qui reçoit. Dieu n'a pas seulement élu des personnes, mais il a aussi élu le moyen de les atteindre. 1 Corinthiens 1:21 nous dit, « Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants » par la folie de la prédication. Dieu sauve les croyants, mais il a aussi montré la manière de le faire, par la folie de la prédication. Alors, l'Évangile, il y a un témoin de l'Évangile. Il y a l'Esprit de Dieu qui travaille, et il y a le pécheur qui reçoit. Les Thessaloniciens clairement avaient été élus parce qu'ils avaient accueilli l'Évangile. Ils avaient accueilli l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Et comme le dit le chapitre 2, verset 13, il va expliquer, il dit, « Vous l'avez reçu, vous avez reçu la parole de Dieu, non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » La parole de Dieu, elle est agissante, elle transforme la vie de ceux qui croient. Ils étaient élus à cause que c'était évident leur accueil de l'Évangile. En tant qu'Église, ils étaient élus parce que c'était évident aussi qu'une fois qu'ils ont reçu l'Évangile, ils ont proclamé l'Évangile. Ce qu'ils ont reçu, ils étaient prêts à le partager à ceux qui les entouraient. Et j'aime le texte qui manifeste la poussée avec laquelle ils voulaient partager l'Évangile. Il dit, la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Boum, boum, boum, ça a sorti de chez vous. Et votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. La petite place Thessalonique, ça, de l'Achaïe à la Macédoine, ça a sorti de là, toi. Et ce qui avait transformé leur vie, ils étaient prêts à le partager. Voyez-vous, notre foi n'est pas une simple foi du domaine privé. On garde ça chez nous, dans la chambre à coucher. On fait juste des petites lectures avec nos enfants le matin, le soir, juste pour se rappeler que Jésus existe et qu'il est beau. Mais on ne sort pas ça de la maison. Ce n'est pas politiquement correct. Ce n'est pas la rectitude politique que de parler de Dieu sur la place publique aujourd'hui. Ce n'était pas leur principe à Thessalonique. La parole de Dieu, elle a retenti. Assez propagé en tout lieu. Leur foi n'était pas seulement du domaine privé. Leur foi était connue de tous, de toutes, dans la famille, au travail, sur la place publique. Et quand Jésus leur avait dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ils n'ont pas dit, « Oh, que c'est un beau vœu pieux ». Ils ont pris ça comme un engagement à réaliser dans leur génération. Quelque chose que j'aime beaucoup quand je viens ici. Des fois, on voit des choses très souvent, puis ça ne nous frappe pas. Mais vous avez un beau poster dans votre bâtiment. Et à toutes les fois que je viens ici, je regarde ça, puis ça touche mon cœur. Parce que ça dit, unis pour Christ, Christ pour tous, mais il y a la carte. Et dans beaucoup d'endroits, ça nous arrive qu'on voit des cartes pour l'évangélisation. Mais les cartes que moi j'avais à Beauport quand on était là, ou à Québec pour faire de la distribution, c'était toujours des cartes à l'intérieur de mon petit chez-nous. C'est pas ça que vous avez ici. C'est pas ça que vous avez remarqué. Mais ça donne une vision, pas de Victoriaville, mais de votre responsabilité en tant qu'une ville plus grande, de briller à l'extérieur de vos murs. Ça me touche à toutes les fois que je viens ici. Parce que je dis, hey boy, ils ont une vision de plus grand que leur nombril. J'aime ça. Les Thessaloniciens, ils avaient ça aussi. Il y avait une vision qui ne touchait pas juste le petit carré de Thessalonique, mais il dit de la Macédoine jusqu'en Achaïe, la parole a retenti, puis c'est connu en tout lieu, on n'a même pas besoin d'expliquer, c'est dans le journal tout le temps, c'est ça que c'est à peu près que ça dit, là. On n'a pas besoin d'en parler, c'est connu de tous. Vous avez reçu l'Évangile, vous avez proclamé l'Évangile. Et pour que la proclamation de l'Évangile ait une force, et c'était clair pour eux qu'est-ce que ça veut dire être converti. Pour eux, c'était clair leur témoignage de la conversion. On racontait des Thessaloniciens qu'ils s'étaient convertis à Dieu. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Il me semble que l'Église évangélique aujourd'hui a de plus en plus de difficultés à discerner qu'est-ce que c'est un vrai chrétien. Et il m'arrive assez régulièrement de parler à des gens qui se disent chrétiens, qui visitent l'Église, puis j'aime rencontrer des personnes nouvelles, puis blabla, comment ça va? Et ça fait longtemps que tu viens ici, est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu es converti? Et souvent, whoop, ce mot-là, converti. Oui, je suis chrétien. Ah oui, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu es chrétien? Et on me répond souvent, ben, je prie, puis Dieu répond à mes prières. Un chrétien. J'ai assisté à l'église d'un pasteur Rancourt à Victoriaville. Mais j'ai assisté à l'église d'un pasteur tel. Ah oui? Ah, tu es chrétien parce que tu as assisté. Non, c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'il disait finalement sur qu'est-ce que c'est un chrétien? Dieu m'a délivré de l'alcool. C'est un chrétien. Dieu m'a répondu. J'ai senti un appel, puis j'ai répondu à un appel. J'ai senti que je devais faire un pas vers Dieu. Bien, je sais pas. C'est beau toutes ces affaires-là, mais ce n'est pas une claire description de qu'est-ce que c'est être converti. Chez les Thessaloniciens, c'était clair qu'est-ce que ça veut dire être converti. Il dit, vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles. Vous vous êtes converti à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous êtes converti à Dieu pour attendre des cieux son Fils. Ça, ça paraît que vous êtes converti à ce moment-là. Trois éléments qui étaient clairs pour eux. La conversion, ça l'impliquait l'abandon des idoles passées. Ça l'impliquait l'engagement à servir Dieu dans le présent. Et ça l'impliquait l'attente de Jésus pour vivre éternellement avec lui dans le ciel. Et ma vie, comme la vie du chrétien, comme votre vie, doit affirmer à travers votre marche que vous avez été délivré du mensonge. Et vous avez cru la vérité qui était en Jésus. Ça doit manifester dans vos vies que vous avez été délivrés de la puissance du péché pour servir le Dieu vivant. Ça doit paraître ça dans votre vie. Ça doit paraître aussi que vous avez été délivrés de l'empire des valeurs de ce monde pour regarder vers le ciel puis de s'attendre aux valeurs qui s'en viennent dans l'éternité avec le Seigneur. Un amour du monde à venir au ciel. Pour les Thessaloniciens, c'était clair. Oh, ce matin, on va partager la table du Seigneur. Table du Seigneur. Le moment pour se annoncer à nouveau qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Un moment pour l'Église locale de se rassembler, pour se rappeler, pour célébrer son salut. Mais aussi pour évaluer ma marche, notre marche personnelle avec lui. Et la qualité d'une communauté chrétienne, elle se manifeste à travers les vertus qui habitent chacun de ses âmes. Et aussi par l'évidence de leur élection. Comment ils ont l'autorité des Écritures comme importance. Comment ils veulent servir l'œuvre de Dieu. Comment ils anticipent le retour du Seigneur. Où est-ce que j'en suis ce matin? Face à ces valeurs fondamentales du christianisme. Face à l'évidence de mon élection. C'est le temps aussi autour de la table de se rappeler et d'évaluer. Paul a écrit le texte que l'on se remémore autour de la table dans 1 Corinthiens au chapitre 11, versets 23 à 29. Et quand Paul a écrit aux Corinthiens, quand il a écrit au sujet de la table, les Corinthiens n'étaient pas une église modèle. Et en réalité, Paul lui dit dans 1 Corinthiens 11 que quand vous célébrez la table, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Parce que pendant qu'il y en a qui sont concernés avec leurs besoins physiques, ils partagent la table et ils oublient le voisin à côté. Il y en a qui ont mangé, qui ont bu, qui sont ronds. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas de nourriture, puis ils ne sont pas capables, ils sont pas là, puis on partage la table du Seigneur. Alors Paul va dire, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. Sans discerner le corps du Seigneur. J'aimerais vous rappeler qu'il est où le corps du Seigneur? Il est ici le corps du Seigneur. Ça, c'est le symbole du corps du Seigneur. Et quand on partage ça, sans être conscient de ça, on mange et boit en jugement contre nous-mêmes. Je me rappelle la croix, mais c'est ici que je me rappelle aussi. Où est l'Église, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Et Paul de dire aux Corinthiens, quand vous partagez la salle du Seigneur, rappelez-vous du corps, évaluez-vous et prenez, partagez cette table. La table est un rappel de la croix, un mémorial du prix payé pour mon salut dans le passé, par le corps brisé, le sang versé, une proclamation de l'Évangile. La table est une évaluation dans ma marche présente dans l'Église. Elle m'appelle à discerner le corps du Seigneur. Et la table du Seigneur aussi est un regard d'espérance vers son retour. Toutes les fois que vous prenez cette table, Paul nous dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors ce matin, si vous vous identifiez comme un croyant, converti, attaché à une communauté chrétienne, où c'est évident que l'un ou l'autre, vous avez été converti, que ça, c'est votre église locale, je vous invite à partager la table du Seigneur. J'aimerais Diane et Pierre.